pas honte de caresser ces femmes nues? N'as-tu pas honte? C'est ça en elle qui t'a plu. Je pouvais faire pire si tu l'avais voulu. N'as-tu pas honte de m'avoir volé la vertu? N'as-tu pas honte? Et si tu crois m'avoir connu, tu n'as pas vu le pire. Moi je peux faire plus. Je peux me coucher, me déshabiller, me laisser aller. Je peux les toucher, les embrasser, les caresser. Je peux te montrer que je suis une femme aussi. N'as-tu pas honte de te saouler comme les marins? N'as-tu pas honte quand ils reviennent de trop loin? Quand ils cherchent le pire des filles de la rue? N'as-tu pas honte de me voir au milieu des hommes? N'as-tu pas honte, moi qui chérissais la madone? Toi qui connais le pire, tu n'as encore rien vu. Je peux me coucher, me déshabiller, me laisser aller. Je peux les toucher et les embrasser et les caresser. Je peux te montrer que je suis une femme aussi. Une femme.